Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 71. Tout le monde est en forme, je l'espère, en train de faire un bonhomme de neige en ce mercredi 21 avril à 9h du matin. Gros café, je vais direct en prendre une gorgée dans ma belle tasse de Noël. Père et mère Noël dans le café. J'ai besoin de café cette semaine un peu plus parce que je bois plus de bière que d'habitude. Puis aujourd'hui, ça va parler un peu de ça, le spectacle, un peu beaucoup de ça en fait, la bière, parce que j'en ai parlé un petit peu au cours de mon dernier épisode et de l'autre d'avant. Puis il y a des développements, il y a des petits développements, là, c'est bien plaisant autour de ce futur, entre guillemets, projet-là. Et puis, ben aussi parce que au niveau de Retro MTL, ben il y a pas vraiment de grands changements encore. Tant mieux, à un moment donné, les changements. C'est fatigant, ça. On a passé la barre des 10 000 likes. Excusez, je rote, pis tout. On a passé la barre des 10 000 likes, donc très surpris de ça. Pour vrai, c'est allé vraiment vite. 10 000, ça, c'est quand même long à accumuler. Puis, ben écoute, ça se fait bien. Ça se fait avec des petits posts funnés comme celui que j'ai fait pour, pour le 1er avril qu'on avait trouvé une cartouche de Zelda sur Atari 2600. Ça a très bien fonctionné, ça. Faut faire des petites choses, tu sais. Fait que, dans le fond, depuis que j'ai mon ordinateur au quartier général, ça a changé la game quand même pas pire parce que je peux venir m'asseoir dans mon bureau puis faire de l'ordinateur. Faire des affaires. Donc, parce qu'avant, mon ordi était à la maison. Fait que le matin, là, je me grouillais à faire des affaires. Puis après ça, je m'en allais au magasin travailler. Puis je revenais le soir, j'étais dead. Fait que sinon, les moments créatifs ou les moments où est-ce que je peux me laisser aller un peu, c'était la fin de semaine. Mais tu sais, c'est tannant, là. C'est pas pratique avec les enfants puis tout, là. Donc là, je suis bien installé ici, porte fermée et tout. Puis j'ai le temps de me concentrer vraiment un peu plus sur les choses. Alors voilà, donc 10 000 likes, merci beaucoup tout le monde qui likait la page et puis qui suivait ce beau projet qui a pris de l'ampleur dans ma vie de façon pas mal plus spectaculaire que je le pensais. Ben là, le magasin physique va avoir 2 ans le 25 mai. D'ailleurs, on va organiser un petit concours autour de ça va être bien funné. Et puis, bien avant qu'on ouvre notre magasin physique, on faisait de la vente en ligne depuis une couple d'années, là, tu sais. Puis j'ai joint Joe puis Fred dans ce projet-là depuis un bon bout de temps déjà. Fait que c'est pas comme si on était apparu de nulle part. Puis bien avant ça, je fais de la vente depuis tellement longtemps que je baigne là-dedans d'une façon ou d'une autre. Fait que c'est un beau, c'est une belle culmination, tout ça. Donc, tout ça pour dire que je suis bien content du 10 000 likes, c'est très plaisant. Donc, merci. Pas de nouvelles au niveau de l'immeuble ici encore. On est à la mi-avril à peu près. On est aux 2/3 du mois d'avril et puis j'attendais des nouvelles plus à la fin avril. Donc, on verra bien si le courtier va nous donner des nouvelles pendant ce temps-là. Nous autres, ben, on aligne nos flûtes, comme dirait mon père, et puis on travaille fort. Aligne tes flûtes! Aligner ses flûtes. C'est-tu que j'aime ça, ce terme-là? Faudrait que je réutilise ça plus souvent. Puis, pour ce qui est de l'arcade, Arcade MTL, comme mon valeureux t-shirt le démontre présentement. Regarde-moi ça, c'est un beau poitrail de héros, là. Chest! Faudrait que je fasse mes podcasts en chest. C'est un trademark, ça, que j'essaie de développer, là. À être en chest. Je me suis fait voler mon idée, là, par François Lambert, c'est-tu? Méchant affaire. Mais, pas de nouvelles, bien sûr, de rien de chez Arcade MTL, encore une fois. Là, vu qu'on est au pic de la vague, de la troisième vague, puis tout le monde est comme, ben, tout le monde au gouvernement, et comme, c'est bizarre que Montréal soit pas en feu présentement, des malades, puis tout. Donc, je sais pas si c'est ce fameux couvre-feu qui est revenu tôt, et puis toutes ces mesures draconiennes en place qui fonctionnent. On dirait que oui. On va dire que oui, Donc, c'est pas plaisant, mais d'un autre côté, moi, je me dis, ben, il neige dehors, puis il y a un temps de cul, puis il fait frette. Fait que s'il y a un coup à donner, puis un couvre-feu à tolérer, c'est le bon moment, là, présentement, là. Tu sais, c'est pas encore l'été. Fait qu'on doit souvent manger nos bas tout de suite, là, puis après ça, ben, si ça va mieux, ça ira mieux, tu sais, quand le vrai été va arriver, là, tu sais. Puis c'est à ce moment-là que je pense que l'arcade va plus être en mesure de réouvrir, tu sais. Après, d'après moi, là, plus au mois de juillet, là, que ça va se passer, là, tu sais. D'ailleurs, on a bien des... on a plus de gérante, donc, bien sûr, tu sais. On a une page Facebook d'équipe, staff, là, admin, une page groupe secret, tu sais, qu'on se parle. Et puis, man, c'est le silence radio sur cette page-là. À part pour les impôts, là. « Hey, où mon T4? Il est où mon T4? » À part pour ça, là, je sais même plus qui travaille pour nous. Je sais même plus qui est... notre gérante nous a annoncé qu'elle est partie. C'est comme... il va falloir faire un genre de reset, là, sur l'équipe et puis sur la gestion de ce projet-là quand ça va être annoncé qu'on réouvre. Puis, tu sais, en même temps, quand on va réouvrir, ça va être... à audience réduite, capacité réduite, les heures réduites, fait qu'on va pas non plus comme se réengager toute une grosse équipe là, tu sais, tout. Fait que y a rien à faire en attendant, puis ça donne rien de commencer à faire des démarches tout de suite. Qu'est-ce qui arrive si jamais il y a une quatrième vague direct dans le milieu de l'été, puis qu'il faut pas ouvrir encore, tu sais, fait que ça donne absolument rien de faire des plans. S'il y a de quoi que cette année ou la dernière année m'a appris, c'est bien de pas faire de plans. Fais donc pas de plans. Fais des plans à court terme. Même le magasin, je veux dire, hey, on ouvre à 7h. Ah, couvre-feu. Ah, bon, ben, on ouvre plus à 7h, gang. Tu sais, comme ça change continuellement. D'ailleurs, si on fait ça aussi, c'est parce que nos employés, il y en a qui viennent de la Rive-Sud, il y en a qui viennent de loin, les autres sont à l'école, ne sont pas disponibles, fait qu'on peut pas ouvrir le soir, là, à moins de... C'est trop serré, ça marche pas. T'sais. Fait que ça fit pas dans notre horaire, fait que fuck it, on ouvre pas le soir, puis. Puis vous viendrez la fin de semaine. Ou vous êtes en télétravail, prenez un petit break, venez chercher vos affaires. Donc voilà comment ça se passe. Et puis là, ils ont ouvert le vaccinage à des plus jeunes. Donc 45 ans et plus peuvent aller se faire vacciner. Moi, j'ai 41, donc prochaine wave, je vais pouvoir y aller. Et puis, moi, mon point de vue personnel par rapport à l'AstraZeneca et tout ce délire-là, c'est que j'ai pas les chiffres, tu sais, j'ai vraiment pas les chiffres, là. Mais je me questionne sur la véracité, pas la véracité, mais la logique de, mettons, stopper une vaccination planétaire versus les quelques cas problématiques sur des millions et des millions, et des millions qu'il y a eu. C'est-tu des millions tant que ça? Je sais pas. T'sais, ces gens-là sont-ils morts ou ils ont eu des complications, sont allés à l'hôpital, ça s'est réglé? Je sais pas non plus. Là, t'sais. Mais c'est ça. Est-ce que des minimes imperfections au niveau de ce vaccin-là qui causent peut-être pas la mort? Je sais pas encore. Là. Personne veut que personne meure. T'sais. Mais mettons un mort sur 10 millions, là. Est-ce qu'on devrait l'arrêter, pareil, le vaccin, tu sais? Puis, il va-tu avoir plus de morts à stopper la vaccination? Mais je pense que oui, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... C'est fuck. C'est pas 100% bulletproof. Mais c'est quand même hyper efficace. Puis ça réduit drastiquement, tu sais, les risques de mortalité. De mortalité de COVID, tu sais, c'est comme donc les hospitalisations. Ça guérit la planète à moins point quelques pourcents, mettons. Fait que, tu sais, je me questionne là-dessus. Puis, moi, c'est une opinion personnelle, bien sûr. Moi, si je peux aller me faire vacciner à AstraZeneca, je vais y aller. Je suis quand même en confiance, là. C'est bien certain que, vu qu'il en parle dans les nouvelles, puis que c'est le seul qui a peut-être un petit bug, puis qu'on a eu des cas de gens qui ont fait des caillots ou des affaires, que personne ne le veut, tu sais, tout le monde sont comme c'est ça. Fait que, bien sûr, si tu m'offres les trois, m'en pas prendre lui. C'est ça que tout le monde se dit, tu sais. Par contre, pendant combien de temps faut ralentir, tu sais, la vaccination et l'immunité planétaire, tu sais, au nom de ces quelques cas. Puis là, je connais pas ces gens-là, j'ai aucune idée. Là. Encore une fois, je souhaite la mort de personne, je regarde ça statistiquement. Statistiquement, personnellement, moi, je suis d'accord de recevoir l'AstraZeneca pour en finir plus rapidement avec ce style de maladie-là, tu sais. Puis si mon opinion est de même, c'est parce que j'ai une entreprise en train de mourir. Et puis, tu sais, comme si j'avais pas d'entreprise, puis j'étais un employé à maison, pas d'enfant à travailler, et puis attendre juste que la tempête passe, m'en crisserais, tu sais. Je pourrais bien attendre encore 8 mois, tu sais, je perdrais rien. J'ai pas plus de gestion, j'en ai même moins parce que je suis à maison. Tu comprends? Les enfants, j'ai pas besoin de gérer. J'ai pas d'enfants, j'ai pas besoin de gérer des zooms, des examens, des papiers, des affaires, des pluriportails, recevoir des communications incessantes. J'ai pas besoin de mettre des employés à pied, de chercher des subventions. Tu comprends? Moi, j'étais un peu écœuré, là. Puis moi, j'ai des pertes majeures de revenus personnels, là. Tu sais, la dernière année a fait très mal. Donc, c'est normal que mon opinion soit façonnée vers le Chris, faut que ça finisse, tu sais. Fait que, puis Chris, faut que ça finisse, ben ça passe par, si personne n'en veut de l'AstraZeneca, ouvre-le à tout le monde qui en veut, puis dépêchez-vous de vacciner qu'on en finisse, tabarnache, tu sais. C'est mon opinion. Personne n'est forcé, là, de toute façon. Fait que, allez-y pas si vous voulez, allez-y pas. Mais c'est de votre faute. fait que voilà. Donc, pour revenir à mon gros café, je bois du café cette semaine parce que, d'un, j'en bois tout le temps, puis c'est une maladie. Puis c'est une maladie, ça que j'ai, la caféinomanie. Et puis, de deux, pas mal de bière qui s'est consommée dernièrement. Et puis, je développe tranquillement mon projet bière avec Sébastien Houde, mon ami et collègue, Boulevard Brutal. Donc, dorénavant, quand je vais parler du projet bière dans mon podcast, quand je vais dire Seb, sachez que c'est lui. Et puis, ça va être plus simple que de répéter sa fiche personnelle à chaque fois. Donc, Seb et moi, on a communiqué avec des gens. Parce que nous, on veut un projet bière et puis on sait pas, on veut-tu un brand, qu'est-ce qu'on veut dans ce projet-là, on veut-tu comme une marque, on veut-tu nos installations, on veut-tu, tu sais, on veut pas nos installations parce qu'on veut pas commencer à se monter un projet de 500 000 piastres alors qu'on sait même pas comment ça marche brasser une bière, tu sais. Fait que il faut se trouver, on a parlé à plein de monde, premièrement, on va commencer de même. Moi, personnellement, j'ai parlé avec Étienne de Pixel, anciennement Vox Populi, qui brasse à contrat chez Hochelag, la bière Pixel. Donc, si Seb et moi, on veut notre bière, la Steak Haché, on va rester avec ça, tout le monde connaît ça maintenant. Si on veut brasser la Steak Haché, faut la brasser à contrat parce qu'on n'a pas l'infrastructure. T'sais. Donc, je voulais parler avec Étienne pour savoir qu'est-ce que ça implique un peu de brasser à contrat. Lui, il est chez Hochelag. Et puis, il y a peut-être d'autres places qui brassent à contrat que je... Il y en a plein, en fait. Puis, il y en a que je connais pas. Donc, ça, c'est peut-être une avenue. Au cours de mon... Pas mon dernier podcast, mais l'autre d'avant, on m'a... J'ai parlé du projet bière. Et puis, j'ai Dominique Arsenault qui m'a mis en contact, en fait, Dominique de l'Université de Montréal, professeur au département de jeux vidéo de l'Université de Montréal, qui a forwardé mon épisode qui parlait que je cherchais à m'intégrer dans le monde de la bière, à un contact à lui qui s'appelle Jonathan, qui est un nano-brasseur. Donc, Jonathan brasse de la bière chez eux, à Boucherville, et puis il désire lui aussi exister dans le monde de la bière, là, tu sais. Oh, excusez, j'avais une petite affaire à checker. Donc, ça, c'est une autre avenue. Et puis, je vais revenir là-dessus plus tard. J'ai parlé aussi à Renaud, de la microbrasserie Avant-Garde. Donc, Avant-Garde, si vous suivez mes projets, vous savez que avant la COVID, j'avais organisé, un peu avant Noël, je pense, j'avais organisé un événement, là, bière et cassette. Et puis, parce que je connais un peu les gars là-bas, un peu, tu sais, c'est pas mes amis. Je vais pas jouer au Nintendo chez eux. Mais ouais, je connais ces gars-là un peu par la bande, là, pour y être allé une couple de fois. Puis Renaud Gouin, Dans le fond, j'ai poké le gérant là-bas qui m'a mis en communication avec Renaud. Et puis Renaud que j'ai rencontré une ou deux fois. Et puis qui est un des deux propriétaires d'Avant-Garde. Et puis, Avant-Garde, c'est gros, là. Pour ceux qui ne savent pas, à Montréal, là, c'est comme une très grosse infrastructure, des cuves et tout. C'est des gens qui brassaient la bière Avant-Garde et Jukebox aussi, qui appartient à Renault. Tout ça était fait chez Hochelag. Puis, à un moment donné, ils se sont détachés de ça, mais ils sont restés dans le même bâtisse. Ils ont loué un espace à côté, puis ils ont installé leur structure. Donc, c'est ça. Donc, on a poké Renault. Renault a été poké, puis j'avais pas de nouvelles. Puis, finalement, il m'a rappelé le lendemain. Puis, il a vraiment pris comme un gros 45 minutes de son temps pour parler avec moi, tu sais, de bière ou de comment ça fonctionne et tout. Donc, c'est vraiment très, très, très gentil de sa part d'avoir pris le temps de faire ça. Je sais ce que c'est de se faire poker là, pour des projets, là, tu sais, quand même. « Hey, j'ai un podcast. Hey, j'ai ci, veux-tu? Hey, j'ai une idée. » Tu sais, quand on a lancé l'arcade, il y a tellement de monde qui nous ont écrit en disant « J'ai une idée. » C'est comme « Ouais, OK, tu sais, t'essaies de répondre un peu, mais souvent, tu sais... » Puis moi-même, là, tu sais, je veux dire, je parle avec Renaud, je suis comme « Ouais, j'aimerais ça avoir de la bière, tu sais, je suis un total parvenu, là, tu sais, là-dedans, là, ça n'a pas rapport. » Mais il n'y a pas rien snobé de tout ce que j'ai dit, puis il a pris le temps de tout écouter, puis de me donner plein de pistes. Donc ça, c'est vraiment très, très, très apprécié. Et puis, il m'a mis en communication avec un brasseur, une brasserie qui existe aussi, que je vais en reparler tantôt. Et puis, l'autre avenue intéressante, on a communiqué avec le collectif Brassicole, qui est à Longueuil, anciennement New Deal, qui brassait Baldwin, dans le fond. Attendez, j'ai fret au pied. M'en remettre mes bottes. Tiens. Donc, vous connaissez ça, Baldwin, de mauvaise réputation probablement, et moi aussi, parce que quand c'est sorti cette affaire-là, ça avait mauvaise réputation. En gros, ce qui s'est passé là, autour de ce projet-là, New Deal, la microbrasserie New Deal et Baldwin, je vais vous l'expliquer un peu, parce que Denis Belair, l'un des deux propriétaires derrière ça, on y a parlé, comme on a envoyé un email, puis on a fait une rencontre, un meet dans l'ordi, là, tu sais... Puis lui avec, il a pris un bon 45 minutes, une heure là, pour nous parler. C'est comme, wow, tu sais. Ils sont cool. Le monde de la bière, les gens s'entraident, les gens, ils ont de l'écoute, pour la plupart. Là. Et puis, c'est ça que je constate, tu sais. Le monde, il s'aide, tu sais, ou ils prennent le temps. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Et puis, dans le fond, cet homme-là est un homme d'affaires qui a réussi en affaires. Avec, j'ai oublié le nom de son produit. C'est il y a le genre de sable que tu mets entre les dalles de béton là, ou les dalles quand tu fais du pavé là, pis tout ça. Un genre de sable là, qu'il a inventé, je sais pas trop. Et puis Seb il sait, là, je te dis, il est super au courant. Et puis il a vendu de ça partout dans le monde, des usines, etc. Donc, grosse affaire. Donc là, j'imagine qu'il avait vendu ses parts de ça parce qu'il dit qu'il était à la retraite depuis 2016. Et puis, il était chez eux, en train de jardiner, tranquille. Il aime bien le jardinage. Et puis, étant un homme d'affaires reconnu, et puis un peu, pas, tu sais, comme cravate, là, un peu artiste, là, si je peux dire. Donc, il tombe des dossiers sur son bureau, quand même régulièrement, de projets d'affaires, tu sais. Puis, il y en a un qui est tombé, qui était de financer ou d'embarquer dans le projet New Deal, qui allait brasser une bière bio qui allait s'appeler Baldwin. Et puis, tout ça a existé. Fait que lui et son partner sont embarqués là-dedans, sont devenus des actionnaires silencieux. Donc, ils ont backé le cash. Et puis, ce projet-là, Baldwin, a été lancé. Gorgée de café. Mais là, ça n'a pas bien été, Baldwin. Parce qu'il essayait de faire de la micro. Mais c'était de la bière de micro, mais au look un peu, puis au goût macro. Donc, c'est pas de la Molson X, mais c'est de la bière de micro qui goûte la Molson X, qui est emballée dans un emballage qui rappelle semi-Molson X, mais tu sais que ça a un petit edge de plus parce que c'est plus fancy visuellement. Donc, c'est comme ça tirait pas, ça avait pas une direction qui fonctionnait, tu sais. Ça essayait d'aller chercher, de rejoindre deux affaires qui connectent pas tant que ça. Ça n'a pas fonctionné en tout cas. Puis ça avait très mauvaise réputation. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Capsule Bière que j'avais découvert à l'époque, à peu près à ce moment-là. Et puis au début, j'étais comme, oh, c'est vraiment cool ce groupe-là, oh, ça parle de bière, je faisais des petits posts, puis là, avec le temps, je me suis rendu compte, hein, le monde sont donc bien désagréables là-dessus. C'est vraiment. Il y a du monde comme, qui font juste chier sur tout, là. Il y en a qui sont super comme snob, tu sais, si tu fais pas une description complète là, de qu'est-ce que ta bière a goûte, tu sais. Ou il y en a qui sont juste comme, hey, regardez, j'ai acheté cette bière-là. Et puis, les gens, oh, fuck you, tu sais, comme, ça devient vite très lourd. Puis je me suis rendu compte de ça avec le temps. Ça fait que j'y vais plus, là. Excusez. Fait que j'y vais plus sur ce. Je vais fermer cette fenêtre, man, qui me rend fou. Parce qu'elle me déconcentre. Fait que j'y vais plus sur ce groupe-là. Mais je voyais à l'époque, quand j'étais là, des posts Baldwin, puis ça chiait là-dessus, ben raide. Donc ça, c'est pas bon du tout, du tout. Donc ce qu'il a fait, Denis, c'est qu'il a arrêté d'être un actionnaire passif. Et puis il a rentré dans l'entreprise vraiment pour s'en occuper. Puis il a transformé ça en collectif brassicole. Toujours en maintenant une idée de biologique, écologique derrière ça. Et puis, il aurait, Baldwin, il aurait pu changer le nom de cette affaire-là puis repartir le brand, mais il a voulu comme changer tout de ça puis remettre ça sur la carte parce qu'il est orgueilleux. Puis je le comprends, mais j'aurais fait la même crise d'affaires. C'est pas comme, je vais prendre ce wreck-là, ce shipwreck-là, puis je vais faire de quoi avec ça. Fait qu'il a fait ça. Et puis, il a ouvert l'entreprise à d'autres marques, dans le fond, dont Vagabond, qui brassait, qui est un brasseur itinérant, qui brassait ses affaires à contrat comme il pouvait, je pense, à l'Alchimiste, à Saint-Eustache, quelque chose de même. Fait qu'en tout cas, lui, il est rentré là, puis il avait une pensée écologique, et puis il a fité là-dedans. Puis il a rentré d'autres brands aussi depuis ce temps-là. Puis toutes les brands qu'il y a là-dedans, je pense qu'il y en a 6 au total, ils ont tous quelque chose d'écologique. Fait que dans le fond, ce qu'il offre, lui, Denis, quand tu rentres dans la coopérative brassicole, d'un, il faut que tu existes. Ils prennent pas des startups. Donc, moi pis Seb, on peut pas arriver là pis dire « Hey, salut! Notre bière, c'était caché, c'est malade! Yeah, yeah, yeah, man! On met des pénis sur les cannes! » Et puis, tu sais, non. Faut qu'on ait existé. Faut qu'il y ait de quoi. Faut qu'il y ait du contenu, tu sais. Puis, faut qu'il y ait quelque chose d'écologique aussi derrière ça pour adhérer à ça. Et puis, si jamais... parce que lui, il se voit comme un gérant d'artiste. T'sais. Ses brands sont des artistes, puis lui, comme il découvre des talents. Fait que c'est pour ça qu'il parle à du monde, tout ça. C'est pour ça que sûrement il a voulu nous parler aussi. Donc, tu sais jamais qui que tu rencontres dans la vie. Céline Dion a déjà été une nobody. Notorious B.I.G. a déjà été un nobody. Hein? Fait que pensez à ça. On est tous des nobody jusqu'à ce qu'on réussisse de quoi, puis que quelqu'un nous laisse une chance, en fait. Ou il faut faire sa propre chance. Donc voilà. Et puis, quand tu rentres dans ce collectif, c'est comme une famille. Tu sais, faut que tout le monde... La dernière étape, tout le monde est assis à la table, puis on regarde si ça coule, si ça va bien. Donc, tu sais, vous comprendrez qu'on peut pas vraiment rentrer là-dedans. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que, tu sais, mettons, moi puis Seb, puis on a un brasseur dans notre équipe, la bière s'était cachée. Et dans ce portefeuille-là, eux autres, ils s'occupent de tout. Nous autres, on s'occupe de notre brand, de que ça soit nice, d'essayer de trouver des bons produits et tout. Eux autres, ils brassent, ils encannent, ils distribuent. De A à Z, ils s'occupent d'absolument tout, tout, tout. Puis tout ton chèque à la fin du mois, tu sais. Fait que ça, c'est un... Bien sûr, moi, quand on me dit que tu règles tous mes problèmes à venir, ça me parle beaucoup. Mais c'est ça, c'est une grosse entité, si je peux dire. Et puis, tu sais, c'est pas, on n'est pas rendu là, là. Toutes les entreprises qu'il y a là, c'est des entreprises qui existent déjà depuis un bout. Tu sais, nous autres, on est trop nulle part là encore pour l'instant. On n'a rien. On n'a pas de produit, on n'a pas de brand, tu sais. Fait que c'est intéressant. Est-ce qu'à long terme, on voudrait rentrer là-dedans? Mais je ne sais pas. Tiens, ça va servir de conclusion un peu à ce topic-là. Fait que deuxième affaire qu'on a faite, on a rencontré le nano-brasseur, donc Jonathan, qui brassait chez eux. Moi puis Seb, on est allé chez eux lundi après-midi. On était supposé faire ça vendredi, mais il pleuvait. Il fait tellement un temps de cul. Parfait temps pour avoir le couvre-feu. Mais lundi après-midi, on est allé chez eux. Puis, il nous a fait des beaux petits plateaux de dégustation là, de bière, là, des belles palettes de dégustation. Donc, on a goûté une IPA qui n'a pas un titre là, précis. Là, c'était ça IPA. C'était pas une IPA, c'était pas une West Coast, c'était pas une milkshake, une session. C'était sa version d'une IPA. Légèrement amère, c'est très bien. Une sour aux framboises et canneberges. un stout et un scotch ale. Donc, style un petit peu moins à la mode. Mais c'est ça. Donc, on est allé s'asseoir là. On avait déjà parlé un petit peu par médias sociaux, par Messenger. Puis, tu sais, c'est un peu gênant, là, parce que moi et Seb, on débarque là. Personne, on le connaît pas, il nous connaît pas. Tu sais, on arrive chez eux, salut, dans sa cour arrière. Il nous sort ses bières, tu sais, puis on goûte à ça. Puis, on avait un petit peu peur, tu sais, comme, si jamais c'est vraiment pas bon, il va falloir s'en aller, couper ça court puis s'en aller, là. Tu sais, le malaise va être insoutenable, là. Mais crime, ces bières étaient vraiment bonnes, pour vrai, là, tu sais. Puis, je dis pas ça parce que, tu sais... Je pourrais bien vous dire que c'était de la merde, je parlerai plus jamais à ce gars-là, mais c'est pas le cas. Ces bières étaient vraiment bonnes. Et le gars, il brasse chez eux depuis genre 3 ans. Il est totalement passionné de ça. T'sais. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'il aime. Excusez, j'ai la gorge. Hier soir, c'était rétro nouveau, hein. Puis j'ai bu de la bière, fait que là, je suis un petit peu. Bu de la pixel. Donc, on voulait le rencontrer, lui. Parce que nous autres, on n'a pas de brasseur, tu sais, nous autres, on ne sait pas comment brasser de la bière, fait qu'on on est ouvert à toutes les avenues. Est-ce que d'avoir un anneau-brasseur, un brasseur en devenir, un brasseur professionnel, entre guillemets, en devenir, peut être intéressant pour notre équipe, tu sais? Parce que lui, il avait déjà ses plans d'infrastructure et de projets et d'ouvrir un brewpub. Et puis, tu sais, c'est très, très, très en lui, ça, là, ce projet-là. Et puis... pas nécessairement dans le même secteur où est-ce que moi et Seb, on se tient, mettons. Et puis, c'est ça, mais moi et Seb, on va pas backer 200 000 piastres pour ouvrir un brewpub avec ce projet-là, tu sais, c'est pas... D'un, on l'a pas, puis je veux pas envie de me battre pour le ramasser parce que c'est ben trop gros, là. J'ai trop d'affaires impliquées présentement dans ma vie, là. Je peux pas prendre une implication aussi grande que ça, côté financier, là, tu sais, vraiment pas. Donc, c'est ça. Mais, tu sais, lui, il est ouvert à peut-être brasser à contrat pour commencer à exister, un brand. Voir, tu sais, on commence comme ça, on va où. Mais le problème aussi de brasser à contrat, c'est que t'as pas nécessairement... C'est pas tout le temps exactement ce que tu veux. Tu sais, surtout, mettons, des grosses places comme Hochelag puis Avant-Garde, justement. Tu sais, où est-ce que le ta recette que tu brasses dans tes cuves chez vous, t'arrives là-bas, tu dis, voici le grain bill, voici la recette, je veux ça. Faut que ça goûte ça. Puis eux autres, ils le font à bien plus grande échelle. Puis au final, il va certainement y avoir des variations. T'sais. Fait que ça sera jamais spot on exactement ce que tu as. Donc, c'est ça. Et puis, pour quelqu'un comme lui, t'sais, qui est très, comment dire, il veut vraiment brasser ses affaires-là. T'sais. Puis c'est ça sa passion. T'sais. Brasser à contrat, ça va pas... lui faire plaisir pendant longtemps, là, tu sais, fait que, il a de l'air pas mal enligné sur son projet de brewpub. Nous autres, on n'est pas tout à fait sûrs, tu sais, est-ce qu'on veut s'intégrer dans son projet de brewpub, tu sais, qu'est-ce que ça lui donne vraiment à lui, ou, tu sais, on le sait pas trop, là, exactement, tu sais, mais c'était une rencontre super intéressante, avec toutes les portes ouvertes, le dialogue ouvert, et puis, lui, comme nous, on se dit, on va voir qu'est-ce que ça donne, tu sais, on n'a pas... On vire pas fou personne, on se parle tout le monde, et puis il y a des... Ouh, à un moment donné, il y a une étincelle qui apparaît une place, puis ça trigger quelque chose, tu sais. Fait qu'on verra bien. Mais on a passé un très bel après-midi, et puis le gars, il est super chill, et puis il connaît, comment dire, il pèle pas des nuages, là, tu sais, l'argent, il sait par où ça passe, il sait comment ça marche. Il est très entrepreneur, il est très travaillant, ce que je peux voir, et puis passionné. Donc, vraiment un dude à surveiller. Est-ce qu'il va faire partie de notre aventure? On va-tu faire partie de la sienne? Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas encore, mais on continue à se parler là, de toute façon, puis on verra bien qu'est-ce que ça donne. Donc, c'était quand même super intéressant. Puis, c'était des très bons produits. Donc, merci Dominique de nous avoir mis en contact. C'est très apprécié. Et puis, pour revenir à Renaud de Avant-Garde, qui m'a donné un contact aussi, il m'a mis en contact avec la brasserie Dépareillé, qui est une brasserie qu'il y a à Yamachiche. Yamachiche, ça, c'est pas en s'en allant à Trois-Rivières, me semble, pancarte, Yamachiche, tu sais, c'est pas loin de Montréal, à peu près une heure. Et puis, c'est drôle parce que moi, je viens de Saint-Joseph-de-Beauce, quartier Verdier. Et puis, mon professeur d'éducation physique, il appelait ça le merdier, parce qu'il trouvait que tout le monde qui venait de Verdier, c'était des tannants à l'école. Il appelait ça le merdier. C'est très drôle. Mais donc, je vivais dans le merdier, j'étais membre du merdier, le merdier classique, mais j'étais bien chill, moi, à l'école. J'étais pas tannant, là, tu sais. Fait que j'étais pas représentatif du merdier. Mais donc, dans le quartier Verdier de Saint-Joseph, qui est comme... c'est pas le quartier centre-ville, hein, c'est comme un développement qui s'est fait. C'est comme un peu un des premiers développements détachés du centre-ville de Saint-Joseph-de-Beauce. Aussi, c'est... On va parler de Saint-Joseph. Centre-ville Saint-Joseph, après ça, à l'ouest... non, pas à l'ouest, au sud. Ah, je suis perdu dans mes points cardinaux. En tout cas... Il y a une ferme, comme drette là, à côté du centre d'achat qui est annexé au centre-ville, dans le fond, qui scinde en deux le village de Saint-Joseph. Puis le merdier, il est l'autre bord. Donc, si tu pars du merdier pour aller en ville, entre guillemets, faut que tu passes, là, tu passes devant le grand terrain qui monte là, la vallée au complet, la montagne jusqu'en haut, puis qu'il y a une ferme en plein milieu, tu sais. Puis moi, toute ma vie, il y a eu cette ferme-là. Puis cette ferme-là empêche le développement, empêche que le centre-ville puis que le merdier se joignent, tu sais, empêche le développement urbain entre ces deux-là. Donc, toute ma vie, je me dis comme, câline, un jour, ce fermier-là va vendre, man, puis il va faire du cash, là, comme ça se peut pas. Et puis, il a vendu, il y a pas si longtemps que ça. Ben, il y a quand même une couple d'années, là, on s'entend, mais il a pas vendu quand moi, j'habitais à Saint-Joseph, tu sais, il a vendu alors que j'étais déjà installé à Montréal depuis longtemps. Je me rappelle plus, là, on va dire que ça fait 10 ans. Donc, ça s'est fait. Il n'y a plus cette ferme-là. Puis maintenant, ben, il y a des rues, puis tout ça, puis tout est relié. Donc, il y a un parc, c'est vraiment nice. Alors, je dis tout ça juste parce que j'ai des flashbacks de cette ferme-là. Dans le fond, ça donne rien que je vous dise ça. Mais je vous le dis pareil. Et puis, pour revenir à Saint-Joseph et Yamachiche, je dis pas ça pour rien. Moi, j'habitais dans le merdier, et puis, mais à l'extrême, tu sais, comme... 8 maisons plus loin que ma maison, il y avait comme un terrain, un bout industriel qui commençait avec des usines. Puis la grosse usine qu'il y avait proche de chez moi, c'était une usine, quand j'étais jeune, qui s'appelait Beauvac, qui se spécialise dans les tuyaux de plastique, là, tuyaux d'ABS. Là. Et puis ma mère a travaillé dans cette usine-là, dans les bureaux de cette usine-là, pendant très longtemps. Assez longtemps pour voir Beauvac se faire racheter par Duchesne. Puis Duchesne continue de faire la même affaire. Puis Duchesne a été racheté, ça n'a pas t'a fait longtemps Duchesne, ça a été racheté par Ipex. Puis là, c'est encore Ipex à ce jour. Ipex, et puis ils font encore des tuyaux, là. Tu sais, les tuyaux Ipex, là, c'est des tuyaux d'égout, tuyaux whatever, des tuyaux en plastique, là, tu sais. Donc, c'est une grosse entreprise à Saint-Joseph qui roule depuis toujours. Puis j'ai vu ces trois entités-là. Ipex a son siège social proche du pont Champlain à Montréal, parce que j'ai vu la pancarte. Mais Duchesne avait son siège social à Yamachiche. Puis moi, quand j'étais jeune, ma mère qui travaillait dans un bureau parlait souvent de Yamachiche parce qu'il fallait qu'elle deal des dossiers avec le siège social. Fait qu'elle nommait souvent Yamachiche. Puis moi, je suis comme, c'est où ça, Yamachiche? Faudrait bien, je sais quoi. Donc, c'est ça. Puis, j'ai appris qu'à Yamachiche, il y a un siège social ou une entreprise Duchesne encore, mais que maintenant, il semble faire juste de la quincaillerie. Donc, j'en déduis qu'ils se sont essayés dans le tuyau à Saint-Joseph, ça n'a pas marché, ils ont revendu ça, puis merci, bonjour. T'sais. Fascinant, tout ça. Alors, Brasserie Dépareillée, Martin a accepté de nous parler à moi puis Seb aussi. On a eu ce meeting-là hier matin, donc mardi. Et puis, il nous offre vraiment tout ce que moi puis Seb, on pensait, on souhaitait d'abord et avant tout, comme pour commencer à se mouiller les pieds dans ce projet-là. Ils ont tout ce qu'il faut là-bas pour brasser. Il y a pour encanner. Ça, dans microbrasserie, je me rends, dans le faisage de bière, tu veux avoir... ta canneteuse. Il me semble que c'est comme ça qu'on appelle une encanneteuse ou une canneteuse. Canneton. Tu veux avoir cette machine-là, là, quand même, qui coûte 15-20 000 $, dépendamment de sa grosseur, qui va être bien plus grosse que ça. Bien sûr, plus grosse, c'est celle de Molson, elle vaut plus que ça. Mais tu veux ça, parce que quand il faut que tu cannes tes bières, soit tu le fais toi-même avec ton appareil que tu as acheté à grands frais, ou sinon, tu as des entreprises qui l'offrent de façon mobile. Donc, ils viennent sur place, ils cannent tes affaires avec leur machine, puis ils s'en vont. Donc, ça semble être correct pour commencer, mais semi de la marde comme processus. Donc, c'est ça. Donc, c'est un gros avantage qu'ils ont, eux autres, brasseries dépareillées. Et puis, ils peuvent canner. Ils ont toutes. Et puis, ils font pas du si gros volume que ça. Ce qui nous intéresse, moi et Seb, parce que on veut pas se faire brasser un 10 palettes de bière puis avoir genre 10 000 cannes de bière à passer à notre premier essai dans ce milieu-là. Parce que ça fait peur. Donc, on aime mieux en faire printer moins. Ils vont coûter plus cher, mais qu'on les sold out toutes. Puis après ça, on en fera un autre, tu sais, au lieu d'avoir là, une hémorragie de bière, on ne sait plus quoi en faire, tu sais. Donc, c'est ça, la bière, on fait moins de profit dessus, mais on fait des plus petites batches. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je veux même pas, si jamais on fait un profit, mettons qu'on fait ça, là, on fait une batch de bière, puis qu'on fait un léger profit, on va être bien content. Si on perd pas d'argent, on va être bien content. Si on perd juste un petit peu d'argent, je vais être comme... Good try, on va en essayer un autre. Si on perd beaucoup d'argent, on ferme ça. Donc, c'est ça. Moi, je ne veux pas me mettre riche là, au début, là. Zéro. Là. T'sais, je veux juste comme asseoir le brand. Je veux commencer à exister, essayer de faire du noise avec ça le plus possible. Puis si ça va bien, ben, on va faire un autre batch, puis on va voir où est-ce qu'on s'en va. T'sais. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis, c'est ce qu'il nous offre, Martin, là-bas, de faire une batch. Comme avec lui, il va nous prévoir un temps, il va nous brasser ça à contrat. Mais ce que j'aime, c'est que c'est une plus petite entreprise. T'sais, il y a son installation, il y a son petit brewpub, il y a ma chiche, son comptoir d'excitation, il y a de la bouffe, il y a son beau petit projet. Il veut rentabiliser ses infrastructures en faisant du contrat un peu, il n'en fait pas des masses. Mais on s'est présenté, puis il pourrait nous aider là-dedans. Donc, ça semble super intéressant. On a-tu besoin d'un brasseur, justement, avec nous là-dedans qui va nous aider pour la recette, peut-être. Sinon, lui aussi, il est capable de faire des recettes là-bas. Tout est à penser, là, tu sais. Fait que, puis ce qu'il y a de drôle aussi, c'est que ce gars-là, il est ami d'enfance et très. Il est ami depuis toujours avec Jason Gawett. Qui est du podcast Jouer Vite. Donc, j'en ai parlé une couple de fois. Jason, il est un. Il est aussi entrepreneur, bien sûr. Il a des épiceries. Je ne me rappelle plus, hein. Il me semble qu'il y en a deux. Excuse, Jason, j'ai pas. Je connais ton côté gaming, mais côté épicier, je ne l'ai pas spot on encore. Marché Gawett à Grand Bay, je crois. Donc, IGA, qui semble très bien aller. Ça a l'air fascinant, le monde des épiceries, pour vrai. Là. Et puis, il y a sa bière, Gawett, aussi, qui vend sur place. Donc, fait brasser ses bières, lui, avec. Passionné de bière, connaît tout le monde dans le game. Donc, j'étais vraiment surpris quand Martin, de Brasserie Dépareillée, dit « Ah, tu connais Jason Gawett? » Je suis comme « Wow, OK, l'étendue Gawett est large. » Tu sais, donc, c'est fascinant. Mais tu vois, c'est le fun. Tout est connecté un peu. Tu sais, Avant-Garde qui me met avec Brasserie, avec Gawett. Tu sais, comme je trouve ça vraiment nice. Donc, je parle à tout ce monde-là. Et puis, tout ce monde-là prenne le temps de me parler. Donc, ça me rend très heureux. Merci. Donc, puis allez écouter le podcast Jouer Vite, encore une fois, si vous aimez... excusez, j'ai accroché un piton. Si vous aimez le speedrunning... Les gars connaissent leur shit, ils ont des invités super intéressants. Donc, c'est un créneau qui n'a pas été vraiment exploré dans le podcast. Et puis, je pense que ça aide tout le monde à en apprendre plus là-dessus. Donc, très intéressant. Et puis, donc c'est ça. C'est ça que Martin nous propose. Fait que, dans le fond, moi et Seb, où est-ce qu'on en est maintenant? Je pense qu'on est vraiment rendu à faire notre brand. Et puis, tu sais, on a parlé à une coopérative brassicole. On a parlé à un nano-brasseur qui veut devenir brasseur, qui a des ambitions. On a parlé à une brasserie qui a de la place. Chacune de ces affaires-là a façonné notre idée de comment rentrer un peu dans ce domaine-là. Là, on est vraiment rendu, on croit, à comme décider c'est quoi le brand, commencer à travailler là-dessus. Donc, on s'est ouvert un Pinterest, on se pitch des idées, on va commencer à brasser ça. Je fais des recherches sur Instagram un peu, des hashtags de bière. Et puis, mais j'ai quand même une très bonne idée là, de quelque chose que je veux essayer puis que je pense qu'il est pas mal winner. Fait que ça, j'ai ça en tête, je vais l'explorer, je vais voir la faisabilité de la chose. Mais si c'est ça, et parce que ça donne rien là, de relancer quiconque si on n'a rien à présenter. Là, t'sais. Fait qu'il faut avoir de quoi là, pour créer une vraie excitation. Mais à tout le moins, de tout le monde à qui j'ai parlé à date, t'sais, c'était bien intéressant. Et puis, c'est ça. Donc, il faut qu'on établisse ça. Combien de temps ça va prendre, je ne sais pas. Si on pense à Martin de Brasserie Dépareillée, lui, il aurait du temps pour nous brasser à l'automne. Parce que dans le fond, lui, il fait bien sûr tout le monde. Brasse sa bière et s'occupe de ses affaires pendant l'été. C'est là que tout le monde fait son argent. C'est plus tranquille l'hiver, la consommation de bière. Donc, il y aurait plus de temps à ce moment-là. Est-ce qu'on serait prêt déjà, tu sais? Je sais pas. Peut-être plus l'année prochaine, là, vraiment, en 2022. On va voir. Puis moi, je veux pas non plus qu'on précipite les choses, tu sais, au niveau du brand. Je veux vraiment que quand on va avoir le produit, le look, puis on va s'assurer que ça se fait. On est comme crème, man, c'est nice, là, tu sais. Je veux vraiment travailler là-dessus. Est-ce que ça va parler de jeux vidéo? Je sais pas encore. Est-ce qu'il va y avoir un côté musique, métal, quoi que ce soit, noirceur, démoniaque autour de ça? Je sais pas non plus. Une chose est sûre, c'est qu'on veut pas aller dans le cliché du tout. Et puis, on est 100% totalement au courant de à quel point, peu importe la beauté, tu sais, de l'illustration qu'on va mettre ça sur l'étiquette, tu sais, elle va être une parmi tant d'autres dans l'étalage, là, tu sais. Fait que, on a ça en tête et puis on va développer là-dessus. Je pense que, nous, c'est ça qu'on a à vendre, moi, puis Seb, du marketing, du brand, tout ça. Puis c'est vraiment ce qu'on veut. Tu sais, on aime la bière. On est-tu des grands experts de bière? Vraiment pas. On sait pas trop comment ça se brasse ou quoi que ce soit. On apprécie, on est des amateurs, on apprécie les bières, on goûte à plein de bières. Si tu me mets 20 stouts devant moi, je vais-tu être capable de te dire c'est lequel le meilleur? Non. Si tu me mets plusieurs IPA, ben, je vais vraiment être capable de dire ça, j'aime vraiment ça, j'aime plus West Coast, j'aime plus ça. Tu sais, comme, je suis quand même capable de goûter quelque chose, tu sais, qui est pas tant ça à coche versus, tu sais, quelque chose qui l'est nettement, là, tu sais. Donc, on va naviguer là-dedans. C'est, qu'est-ce que je voulais dire? Non, hostie, je me rappelle plus. Je vais prendre une gorgée de café pendant que je réfléchis. Mais ouais, est-ce que, tu sais, même si ça parle pas de jeux vidéo ou quoi que ce soit, c'est sûr que ce projet-là va passer dans mes réseaux. C'est sûr qu'on va en vendre à l'arcade. Tu sais, mais c'est ça, je veux profiter un peu du réseau que j'ai et puis de tout ça. Mais je pense que ça serait bien que ça l'aille un peu ou qu'il y ait un petit côté qu'on soit pas totalement à l'encontre. De ce à quoi on se spécialise là, fait qu'on va le réfléchir, on va tout explorer les avenues, on va tout mettre les avenues sur la table, mais on veut pas faire des affaires qui existent déjà. Donc tu sais, comme Pixel fait déjà bien des affaires jeux vidéo, tu sais, je vais pas faire la Pac-Man, tu sais, puis comme me mettre direct à côté que ça soit la même affaire. C'est pas vraiment dans cette direction là que je le vois, du moins pour l'instant. Donc tu sais, on est trop loin, là. On n'a pas commencé encore. Fait que on va brainstormer là-dessus, puis on va avoir du fun. Fait que je risque de parler de ça de temps en temps dans mon podcast au cours des prochains épisodes, ou pas, parce qu'on va juste être en train de chercher, puis on n'a pas vraiment de nouveaux développements par rapport à ça. Mais puis peut-être que ça vaut la peine qu'on rencontre d'autres personnes aussi. Il y a peut-être d'autres places qui brassent, puis qui seraient prêts à nous faire une batch, puis que si ça va bien, ben on commence à discuter. Tu sais, je veux dire, ici à Montréal, il y en a partout, là, des brewpubs qui brassent leurs affaires. L'espace public, l'île de Garde, la mer à boire, toutes ces places-là, ils font leur shit, là, tu sais. Fait que la mer à boire, ils font sur place. J'ai jamais vu, hein, ça doit être dans le sous-sol. Mais je veux-tu approcher tout ce monde-là? Je pense pas, là, je veux vraiment, je pense qu'on est rendu à décider qu'est-ce qu'on fait. Donc, voilà pour la bière. Ça fait quand même 40 minutes, 45 minutes de bière que je parle. Faudrait bien que je parle de jeux vidéo. Écoute, je joue pas tant que ça ces temps-ci. J'ai joué à Hades pas mal. Puis écoutez le nouvel épisode de Rétro Nouveau qui va être mis en onde aujourd'hui. J'en couvre un peu plus large. Anyway, j'en ai parlé pendant mon dernier épisode, puis je n'ai parlé à Rétro Nouveau. Fait que, écoutez l'épisode de Rétro Nouveau, ça couvre pas mal mes dernières acquisitions. Excusez, ce café-là me fait rater. Mes dernières acquisitions, et puis Hades. Sinon, j'ai ressorti ma Game Boy Advance, comme vous avez vu sur ma page Facebook, puis j'ai starté Metroid Fusion, excusez. Que j'avais jamais pris le temps de faire. Et puis là, j'ai mon EverDrive de Game Boy Advance et puis je joue à ça. Puis j'aime bien ça. Tu sais, ça me semble assez straightforward à venir jusqu'à la date. Et puis là, je viens de pogner le Vario Suit, donc ça avance tranquillement mais sûrement. Je vais faire ça, ce petit jeu-là. Ça va me faire du bien, bien agréable. Puis après ça, je vais sûrement retomber dans Switch. Là. Mais pour vrai, je me tiens. Vu les impôts, vu l'année de dépenses pas mal, puis à maison, on a des rénaux encore, ben la cour arrière qu'il faut qu'on fasse. Bref, j'essaie de vraiment pas dépenser, puis même vendre des affaires qui m'intéressent pas. Fait que je me tiens tranquille, là, côté jeux vidéo, vraiment, à part les gérer ici, je joue pas tant, je suis un peu fatigué. Tu sais, des fois, t'as besoin d'un break, tu games trop. Et puis, tu prends un break, puis après ça, tu rembarques dans un jeu quelconque, t'es comme, waouh, non, tu fun avec ça, tu sais. Alors, je suis un peu dans ce mood-là, présentement. Donc, ça fait pas mal le tour, Je remercie tout le monde qui ont été à l'écoute, joke de Pérus. Et puis, portez-vous bien, faites attention. Je parlais de la bourse tantôt, là, le COVID est pogné là, c'est malade. Donc, confrères Beauceron, faites attention, restez chez vous, écoutez les règles, là. Je sais que Radio X dit de ne pas le faire, là, mais laissez faire Radio X un petit peu, là, puis alignez-vous là, vers le bon sens. Est-ce que j'haïs Radio X, man? J'ai tellement subi ça en travaillant dans les usines, en Beauce, comme étudiant l'été, là. Ah, man, c'est une calamité, là. C'est tellement un problème. Tu sais, Éric Duhaime, man, toutes ces affaires-là, c'est tellement du poison là, pour l'esprit là, de la société. C'est terrible que ça existe, ces affaires-là. Moi, ça me rend. Ça m'horripile, tu sais. Pas capable. C'est drôle, des fois, je vois. Il y a du monde que je connais qui répondent, tu sais, dans les commentaires de des posts d'Éric Duhaime, des affaires de même. Fait que ça pop dans mon thread Facebook, puis là, je vois ça, tu sais. Là, je suis comme, ah, man, perdez pas votre temps à répondre à essayer de vous obstiner avec des gens du culte du M, tu sais, comme voyons donc, ça donne absolument rien, là, tu sais, ces gens-là. En tout cas, hey, si vous l'aimez, excusez, là, mais non, moi je pense que ça mérite pas d'exister, ça. Il peut exister, mais que tout ce qui répand, tu sais, comme que tout ce qu'il dit, tu sais, c'est tout nuisible, là. Il peut bien faire ce qu'il veut, mais pas ça, tu sais, comme ça. En tout cas. Mais c'est bien facile de faire. Moi, je pourrais faire mon podcast ici. Là. Je pourrais faire un podcast qui est chié sur tout. Un podcast très d'opinion. T'sais, que je pourrais faire de la nouvelle, là, checker ce qui se passe sur la presse, là, puis whatever, journal. Ouais. Puis donner mon opinion très tranchée. Puis très. Ben, je suis un gars d'opinion quand même, là, mais tu sais, comme. Mais je suis capable de réfléchir t'sais, quand même. Pas juste comme taper, puis revendiquer. C'est très facile de faire ça, tu sais. Puis il y en a qui font leur carrière de ça, c'est l'enfer. Et puis c'est vraiment des raccourcis vers une popularité puis tout. Puis j'arrive pas à concevoir comment tu peux penser de même vraiment tout le temps, tu sais. C'est lamentable. Je sais même pas pourquoi je parle de ça. Hey, faut que je finisse ce café-là. Il s'en vient tiède. Ces cassettes-là attendent de se faire torcher. Fait que je m'en vais direct faire ça. Merci à tous d'avoir été là. Et puis, on se reparle très bientôt. Salut!